Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 18. De la bonté et de la malice des actes humains en général. De quelle manière une action devient bonne ou mauvaise? Objet, circonstance, fin. Il n'y a point d'acte humain qui soit indifférent. 1. Toutes les actions humaines sont-elles bonnes? Celui qui fait le mal, dit le Sauveur, est la lumière. Jean 3:20. Quelques actions humaines sont donc mauvaises. Il en est du bien et du mal dans les actions, comme du bien et du mal dans les choses. Pour qu'une chose soit absolument bonne, il faut qu'elle possède la plénitude de l'être qui convient à sa nature sous tous les rapports. Autant est la d'être, autant est la de bonté. Manque-t-elle de l'un des éléments exigés par sa nature, elle a un défaut qui prend le nom de mal. Un aveugle, par exemple, a la bonté que donne la vie, mais il a le mal que cause la privation de la vue. Pareillement, toute action humaine a autant de bonté qu'elle a d'être, mais autant elle s'éloigne de la plénitude d'être qu'elle doit avoir. Autant elle manque de bonté, et elle devient par la manie mauvaise. C'est ce qui arrive lorsqu'elle est privée de l'une des conditions exigées par sa nature, soit sous le rapport de la quantité, soit pour le lieu, ou pour toute autre cause semblable. Note. Sans un bien quelconque, l'action n'existerait pas. Le mal est un bien défectueux, qui produit, par suite, une action défectueuse. L'action mauvaise produit un effet à proportion de ce qu'elle a d'être et de bonté, mais non tant qu'elle déroge à l'ordre voulu par la raison, sous ce rapport, l'effet est défectueux. Ainsi l'adultère produit la naissance d'un enfant par la puissance naturelle à la génération, et non tant qu'il déroge à la raison. Fin de la note. 2. L'action de l'homme tire-t-elle une bonté ou une malice de son objet? Il est écrit, « Ils sont devenus abominables comme les choses qu'ils ont aimées. » Osée 9, 10. L'homme devient abominable devant Dieu par la malice de ses actions. Donc, la malice de nos actes résulte des objets que nous aimons, et il en est de même de leur bonté. Nos actions, en effet, sont bonnes, comme toutes les autres choses, par la plénitude de leur être, et mauvaises par défaut de plénitude. De plus, ce qui contribue avant tout à la plénitude d'un être, c'est ce qui lui donne son espèce. Or, si les choses naturelles tirent leur espèce de leur forme substantielle, l'action reçoit la sienne de son objet. C'est pourquoi, comme la première bonté d'une chose naturelle provient de la forme qui constitue son espèce, ainsi la première bonté d'un acte humain lui vient d'un objet conforme à la raison, et c'est ce qui le fait appeler bon dans son genre. Par exemple, user de son propre bien. De même aussi que le premier mal, dans les choses naturelles, consiste en ce que l'être engendré n'atteint pas la forme de son espèce, comme il arrive lorsqu'au lieu d'engendrer un homme on produit une autre chose à sa place. De même, le premier mal, dans les actes moraux, provient d'un objet qui n'est pas ce qu'il doit être. Ainsi, prendre le bien d'autrui est une action mauvaise dans son genre. Note. Quoique les choses extérieures soient bonnes en elles-mêmes, elles ne sont pas toujours dans le rapport voulu par la raison pour telles ou telles actions, aussi cessent-elles d'être bonnes quand on les considère comme objet de ces actions. Fin de la note. 3. L'action de l'homme tire-t-elle une bonté ou une malice des circonstances ? Les êtres de la nature tirent leur perfection non seulement de la substance qui les spécifie, mais encore de leurs accidents. Dans l'homme, par exemple, les proportions de la figure, La beauté des couleurs et les autres qualités semblables, ne sont-elles pas d'une telle importance que, si elles manquent, il en résulte un mal? Nos actions tirent, de même, la plénitude de leur bonté, non seulement de l'objet qui les spécifie, mais encore de leurs circonstances, et c'est à tel point que si l'une de celles qui sont nécessaires fait défaut, elles sont mauvaises. 4. L'action de l'homme tire-t-elle une bonté ou une malice de la fin? Puisqu'il en est de la bonté des actes humains comme de la bonté des choses en général, nos actions doivent être envisagées dans leur rapport avec la fin que nous nous proposons. En effet, tout être qui dépend d'un autre doit être jugé non seulement en lui-même, mais d'après ses rapports avec celui dont il dépend. C'est ainsi que nos actions, outre leur bonté propre, tirent une autre bonté de leur fin. Pour qu'une action soit complètement bonne, il faut, comme on le voit, qu'elle réunisse tout à la fois la bonté spécifique de l'objet, la bonté des circonstances et la bonté de la fin. Dès qu'elle manque de l'une de ces conditions, elle est mauvaise. Le bien, dit Saint Denis, résulte d'une cause intègre, et le mal provient d'un seul défaut. 5. Y a-t-il des actions qui soient bonnes ou mauvaises dans leur espèce? Nous avons vu que les actions sont spécifiées par leur objet. Or, cet objet, selon qu'il est conforme ou non à la raison, change totalement d'espèce. Il en résulte qu'il y a des actions qui sont bonnes ou mauvaises par leur espèce même. Note. Le devoir conjugal et l'adultère diffèrent autant d'espèces qu'un corps vivant diffère d'un cadavre, c'est une suite de ce principe, que le bien et le mal diversifient les espèces des actes moraux. Nos actions changent d'espèce par leur conformité ou leur opposition à la raison, comme les choses naturelles elles-mêmes se diversifient par le bien et le mal, c'est-à-dire par ce qui est conforme ou contraire à la nature. Fin de la note. 6. La fin donne-t-elle aux actions une espèce bonne ou mauvaise? L'acte volontaire se compose de deux actes, l'un intérieur, l'autre extérieur, qui ont chacun leur objet propre. La fin, qui est l'objet de l'acte intérieur et qui le spécifie, donne à l'acte extérieur ou matériel une forme et une moralité. Et parce que nos membres sont les instruments de notre volonté, et parce que les actes extérieurs ne sont moraux que tant qu'ils sont volontaires. Dans ces principes, les actes humains se spécifient formellement par leur fin, et matériellement par l'acte extérieur. Voilà ce qui faisait dire aux philosophes, celui qui vole pour commettre un adultère est, formellement parlant, plutôt adultère que voleur. 7. La bonté spécifique qui vient de la fin est-elle contenue sous celle de l'acte extérieur comme sous un genre, ou est-ce le contraire? La bonté qui vient de la fin n'est pas comprise sous celle de l'acte extérieur comme sous un genre, c'est plutôt la bonté spécifique contenue dans l'acte extérieur qui est subordonnée à celle de la fin comme à un genre. Et ceci a nécessairement lieu quand une action conduit directement à la fin, comme bien combattre et vouloir vaincre. Mais, lorsque l'acte extérieur ne se rapporte qu'indirectement à la fin, ce qui arrive souvent, puisque des actions de même espèce peuvent être rapportées à une infinité de fins, l'espèce de bonté ou de malice qui vient de la fin et celle qui vient de l'action extérieure sont différentes. L'homme qui vole pour se livrer à la fornication commet, dans un seul acte, deux péchés d'espèces différentes. 8. Y a-t-il des actions indifférentes dans leur espèce? Il y a des actions indifférentes en elles-mêmes. Telles sont celles qui ne renferment rien de contraire à l'ordre rationnel, par exemple, lever une paille, aller au champ, Ces actions, et autres semblables, ne sont bonnes ou mauvaises que par le but que l'on se propose en agissant. 9. Y a-t-il des actions indifférentes dans l'individu? Si vous parlez des actions qui ne rentrent pas dans la classe des actes volontaires ou humains, de celles qui sont le résultat pur et simple de l'imagination ou de l'organisation, comme remuer les pieds ou les mains sans songer à rien, il y a évidemment, en pratique, des actions indifférentes, mais, pour ce qui est des actes véritablement humains, qui procèdent de la réflexion, il n'y en a point qui soient indifférents. Tous contiennent quelques circonstances, notamment celle de la faim, qui les fait sortir de leur nature, si indifférents qu'ils soient en eux-mêmes. La raison, en effet, ayant pour objet de rapporter les choses à leur fin, les actes faits avec délibération lui répugnent dès qu'ils ne sont pas rapportés à une fin convenable, au lieu qu'elle approuve comme bon tous ceux que nous rapportons à la fin voulue. Tout acte individuel, fait avec délibération, étant donc conforme ou non à une fin raisonnable, est nécessairement bon ou mauvais. Note. Les autres actes, faits sans délibération, ne rentrant pas dans la classe des actes moraux, peuvent être indifférents, mais la fin qu'un homme se propose, après avoir délibéré, est en rapport avec une vertu ou avec un vice. Lorsque, par exemple, je rapporte une action au soutien ou au repos de mon corps, je fais un acte vertueux. Si je ne fais servir mon corps qu'à la vertu, ce principe est fécond en application pratique. Fin de la note. 10. Y a-t-il des circonstances qui changent l'espèce des actes moraux? Le lieu est une circonstance qui spécifie parfois la malice d'un acte moral, car voler dans le lieu saint est un sacrilège. Les circonstances peuvent donc changer l'espèce des actes moraux. Et, en effet, ce qui, dans les actes, est ordinairement une circonstance surajoutée à l'objet qui les spécifie, peut parfois être considéré par la raison comme le caractère principal de cet objet et lui donner, à ce titre, une moralité d'une espèce nouvelle. Prendre le bien d'autrui, voilà un acte qui se range dans l'espèce du vol par la qualité du bien dérobé. Si vous considérez ensuite le lieu et le temps, vous l'envisagerez dans ces circonstances. Or, comme la raison embrasse dans ses lois le lieu, le temps et les autres accidents, il peut se faire que la nature du lieu, par rapport à un acte, soit contraire à une loi spéciale de la raison, à celle qui ordonne, par exemple, de ne pas violer le lieu saint. Prendre le bien d'autrui dans le lieu saint imprimera dès lors au vol une opposition spéciale avec la raison, et le lieu, regardé ailleurs comme une simple circonstance, deviendra la notion principale de l'objet. Ainsi, toutes les fois qu'une circonstance est conforme ou contraire à un précepte particulier de la raison, elle change l'espèce des actes moraux et leur donne un caractère spécial de bonté ou de malice. Note. Une circonstance, comme telle, ne spécifie pas un acte, mais elle le spécifie comme devenant son élément principal, c'est-à-dire l'idée sous laquelle la raison le considère spécialement. Fin de la note. 11. Y a-t-il des circonstances qui augmentent la bonté ou la malice d'un acte moral sans en diversifier l'espèce? Il y en a assurément, ce sont celles qui n'ont avec la raison un rapport de bien ou de mal qu'en vertu d'une autre circonstance présupposée qui confère déjà à l'acte moral son espèce de bonté ou de malice, dans le vol, par exemple. La condition présupposée qui rend l'acte mauvais est que l'objet dérobé appartient à autrui, c'est pourquoi, enlever une petite ou une grande somme d'argent, ne fait pas changer l'espèce du péché. Note. En principe, dans les choses susceptibles d'augmentation et de diminution, le plus et le moins ne diversifient pas l'espèce, quoique le péché en soit aggravé ou diminué. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.